Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 28. Des effets de l'amour. L'amour produit l'union, l'inésion réciproque, l'extase ou le ravissement, le zèle et la jalousie. Il n'est pas par lui-même une action blessante, son action sur tout ce que font les êtres. 1. L'union est-elle un effet de l'amour? L'amour, dit saint Denis, est une force unitive. Le sujet aimant s'unit à l'objet aimé de deux manières, réellement, quand cet objet est présentement en sa possession, affectivement, quand l'objet aimé est absent. Ce double effet se produit, soit que, par l'amour de concupiscence, nous aimions une chose qui doit contribuer à notre bien-être, soit que, par l'amour d'amitié, on veuille à un ami le même bien qu'à soi, parce qu'on le regarde comme un autre soi-même. C'était dans ces principes que saint Augustin disait, « L'amour est comme un lien qui unit ou tend à unir deux êtres, celui qui aime et celui qui est aimé. » Note. L'union se rapporte à l'amour d'une triple manière, d'abord comme cause, et alors elle est fondée ou sur l'identité de nature, comme dans l'amour que quelqu'un se porte à soi-même, ou sur la ressemblance. S'il s'agit de l'amour que l'on a pour quelque autre chose, ensuite, comme constituant l'amour lui-même par une harmonie d'affection, enfin, comme effet, à raison de la liaison réelle que le cœur établit entre lui et l'objet aimé. L'amour est beaucoup plus unitif que la connaissance. Fin de la note. 2. L'inhérence mutuelle est-elle un effet de l'amour? Il est écrit, « Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Jean 4, 16. Ceci est vrai de l'amour de Dieu, et de tout amour. Nous devons donc signaler comme effet de l'amour l'inhérence mutuelle qui fait que l'objet aimé est dans le sujet aimant, et le sujet aimant dans l'objet aimé. Cette inhérence peut être envisagée dans la faculté perceptive et dans la faculté appétitive. Quant à la faculté perceptive, l'objet aimé est dans le sujet aimant, en tant qu'il reste dans sa pensée, selon cette parole de l'apôtre aux Philippiens, 1, 7, « Je vous porte dans mon cœur. » Le sujet aimant pénètre, à son tour, dans l'objet aimé, lorsque, non content d'en prendre une connaissance superficielle, il l'étudie et l'approfondit dans chacune de ses parties. Aussi est-il écrit du Saint-Esprit, qui est l'amour par excellence, il scrute tout, même les profondeurs de Dieu. Corinthiens 2, 10. Quant à la faculté appétitive, l'objet aimé est dans le sujet aimant, en vertu d'une complaisance délicieuse pour celui-ci, qui se réjouit de sa présence et de ses amabilités, ou qui se porte vers lui par le désir, soit d'un amour de concupiscence, soit d'un amour d'amitié, pourvu que tout cela s'opère par un principe intérieur agissant sous le charme même de l'objet aimé. Réciproquement, l'aimant est dans l'objet aimé par l'amour de concupiscence et par l'amour d'amitié, mais non de la même manière. L'amour de concupiscence, peu content d'une possession extérieure ou d'une jouissance superficielle, cherche toujours à enserrer l'objet qu'il aime pour jouir de tout ce qu'il a de plus intime, au lieu que l'amour d'amitié procède autrement. Aimer avec amitié, c'est s'identifier avec son ami, vouloir ce qu'il veut, se réjouir de ce qui lui plaît, souffrir de ce qu'il souffre. Note. L'amour d'amitié donne encore lieu à un autre mode d'inhérence mutuelle lorsque deux amis, s'aimant réciproquement, se veulent et se font du bien l'un à l'autre. Fin de la note. 3. L'extase est-elle un effet de l'amour? L'extase, qui consiste à être transporté hors de soi, se produit tantôt dans l'intelligence, tantôt dans la puissance appétitive. Dans l'intelligence, l'amour la produit indirectement, en concentrant l'esprit sur l'objet aimé, celui qui applique fortement sa pensée à une chose, la sépare par là même des autres. Dans la puissance appétitive, l'amour produit directement l'extase, et cela, d'une manière absolue, par l'amour d'amitié, d'une façon restreinte, par l'amour de concupiscence, car, dans l'amour de concupiscence, on sort de soi, il est vrai, mais non pas entièrement, tandis que, dans l'amour d'amitié, l'affection sort totalement de celui qui aime, pour se porter sans réserve au bonheur de l'objet aimé. 4. Le zèle est-il un effet de l'amour? Le zèle, de quelque manière qu'on l'envisage, résulte de l'intensité de l'amour. Il est évident, en effet, que plus une puissance tend avec force vers un objet, plus elle repousse violemment tout ce qui lui fait obstacle. L'amour, qui est un principe de mouvement, s'efforce ainsi d'écarter, quand il est intense, tout ce qui l'arrête dans sa voie. Toutefois, autre est l'effort de l'amour de concupiscence, autre est celui de l'amour d'amitié. L'amour de concupiscence désire vivement une chose dont on veut jouir tranquillement soi-même, et il s'élève avec ardeur contre tout ce qui empêche de l'obtenir et de la posséder sans partage. Ainsi les hommes se sentent fortement animés contre celui qui cherche à leur disputer le cœur de leur femme. Ainsi encore les ambitieux attaquent sans ménagement celui qui refuse de leur céder la première place, et voilà le zèle de l'envie, dont le psalmiste parlait quand il disait « Ne portez pas envie aux méchants, n'ayez pas le zèle de ceux qui commettent l'iniquité. » Psaume 36. L'amour d'amitié ne cherche que le bien de l'objet aimé, aussi, plus il est ardent, plus il porte un homme à s'élever contre ce qui nuit, non à lui, mais à l'ami dont il défend les intérêts. Si quelqu'un, par exemple, est épris de l'amour de Dieu, il est zélé pour sa gloire, et il éloigne, autant qu'il peut, ce qui blesse la volonté divine, il met tout en œuvre pour empêcher le mal, et il gémit de n'y pouvoir réussir. Tel est le sens de ces paroles. J'ai été zélé pour le Seigneur des armées. 1 Rois 19, 14. Et de ces autres, le zèle de votre maison me dévore. Jean 11. 5. L'amour est-il une passion blessante dans les êtres? Non, l'amour est plutôt une passion conservatrice, un principe de perfection. Tous les êtres, nous dit Saint Denis, s'aiment eux-mêmes d'un amour qui les conserve. L'amour est l'union de la faculté appétitive avec un bien. Or, un être ne souffre pas en s'unissant avec un bien qui est conforme à sa nature, il y a plus, un tel bien est pour lui une cause de perfectionnement et d'amélioration. Ce qui blesse et détériore les êtres, c'est le bien qui leur est contraire. Il suit de là que si l'amour du vice les blesse et les dégrade, comme le marque cette parole du prophète Osée 9, 10, ils sont devenus abominables comme les choses qu'ils ont aimées, l'amour de Dieu, loin de produire un tel effet, les perfectionne et les améliore. Nous parlons, on le conçoit, de la partie formelle de l'amour, laquelle appartient à la puissance appétitive, mais non pas de la partie matérielle, qui consiste dans la modification des organes, car, sous ce dernier rapport, la passion de l'amour nous blesse souvent par les modifications excessives qu'elle fait subir à notre corps. Note. L'amour se divise en deux branches principales. L'une se dirige vers les créatures et se réfléchit vers le moi, l'autre se dirige vers le Créateur. La première a trait aux intérêts de l'homme organique et à la vie terrestre, la seconde s'occupe des intérêts de l'homme intelligent et songe à la vie future. L'amour inférieur, celui qui tient à l'être organique, cherche à tout ramener au bonheur physique et à la sensation, il a pour but l'individuel, le fini, le contingent. L'amour supérieur, celui qui tient à l'être intelligent, tend à l'union avec l'infini, il cherche à se rapprocher de plus en plus du bien, du vrai, de Dieu, en un mot. Ces deux amours ne sont point contradictoires, ils sont même nécessaires dans l'homme, qui correspond à deux mondes. C'est entre eux qu'ont lieu les combats de la chair et de l'esprit, tous deux font effort pour entraîner l'âme dans des directions opposées. Quand celle-ci obéit à l'amour inférieur, elle se matérialise et se rapproche de l'animalité brute, elle devient l'esclave du corps et des besoins physiques, quand, au contraire, elle suit les impulsions de l'amour supérieur, elle se perfectionne, se rapproche de Dieu, confère Belwino. Fin de la note. 6. L'amour des êtres est-il la cause de tous leurs actes? Tous les êtres, dit Saint Denis, agissent par l'amour de quelque bien. Tout agent, en effet, poursuit une fin quelle qu'elle soit. Or, qu'est-ce qu'une fin, sinon un bien général ou particulier qu'on désire et qu'on aime? L'agent, dans tout ce qu'il fait, est donc mu par quelque amour. Note. Nous ne prétendons pas que l'on agit toujours d'après l'amour qui est une passion de l'appétit sensitif. Nous parlons de l'amour en général, amour intellectuel, raisonnable, animal ou naturel, n'importe, et nous soutenons que toute action procède de l'amour comme de sa première cause, alors même qu'elle provient de quelque passion. N'avons-nous pas vu plus haut que le désir, la tristesse, le plaisir, toutes les passions en un mot, naissent de l'amour? La haine elle-même, comme on va le voir, ne fait pas exception. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.